Émile Simard, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Et cet ouvrage-là s'appelle Mes Dinky. C'est un album qui, en fait, j'essayais de me mettre un peu à votre place. Je me disais, est-ce que c'est un peu un coming out de vous comme collectionneur d'auto, collectionneur de petits véhicules? Tout à fait, parce que les collectionneurs sont considérés comme des bibites bizarres. Hein? c'est quasiment un plaisir solitaire. On n'ose pas trop en parler. Puis j'ai fait un coming out à cause de mes éditeurs justement qui voulaient que je pondre justement un ouvrage sur les collections. Fait que sur ma collection de petites voitures, les Dinky, Gorky, Matchbox. Là. Oui, parce qu'en fait, contrairement aux autres ouvrages que j'ai mentionnés tantôt, celui-là, c'est le premier qui a été écrit spécifiquement pour une publication sur Pomelo via la Pastèque sans passer par des publications blog ou autres. Oui, exact. C'est un inédit, là. C'est-à-dire que c'est quasiment, c'est pas une commande, mais c'est des discussions avec les éditeurs qui m'ont donné l'idée de faire ce livre-là. Alors, donc, c'est un faux livre pratique, mais pratique, finalement, contrairement aux trois autres, là. Oui, parce que en fait, c'est un univers. Vous l'avez dit, en fond, on a des idées face à l'univers des collectionneurs, mais finalement, on connaît pas vraiment cet univers-là, puis on sait pas non plus si on n'a pas nous-mêmes de collection. On sait pas qu'est-ce que c'est avoir, maintenir, développer, enrichir une collection. Oui. Ben c'est toujours ça aussi le problème, c'est que le collectionneur connu là, en guillemets, c'est celui qui achète sans gérer justement une collection. C'est-à-dire que ça peut être des boîtes à lunch, tu t'achètes plein de boîtes à lunch, puis tu sais plus ce que tu as dans ton garage, puis tu accumules comme un écureuil finalement. Mais le but de la collection, c'est justement, c'est il y a une gestion à faire, il y a comme toute une pensée derrière justement pour pas s'éparpiller aussi. C'est ça qui est important parce que, bon, ben moi je prends par exemple des petites voitures, il y a tellement de marques de voitures, tellement de sortes d'auto et tout que... Écoutez, je connais des gens qui ont des garages complets de miniatures. Là. J'ai rencontré justement un gars cet automne. Il y avait 77 000 modèles dans son sous-sol. Fait que tu, à un moment donné, tu peux plus savoir ce que tu as. Fait que donc, moi, je me limite justement à trois marques de jouets. Finalement, c'était des jouets à l'époque, entre les années 60 et 70. Sont les fameuses Dinky. La plus connue, c'est la Gorky aussi. Là. La plus connue, c'est la Batmobile. Okay. Tout le monde l'a déjà vu un jour ou l'autre. Là. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous a happé peut-être dans ce type de véhicule-là, enfin, en disant, OK, moi, c'est ce que j'ai envie d'explorer comme univers. Est-ce que c'est l'attrait du véhicule? Est-ce que c'est un film nostalgique qui a évolué par après? Qu'est-ce qui vous a ramené vers ces jouets-là, finalement? Je pense que la collection a toujours un petit côté nostalgique, un petit côté... moi, ces jouets-là, c'est les voitures avec lesquelles je jouais quand j'étais enfant, finalement. Là. Alors, c'est un heureux hasard, justement, comme je le raconte dans l'album. C'est à force de visiter des antiquaires avec ma conjointe. Moi, les antiquaires, ça me disait rien. Mais tout à coup, j'ai cliqué, j'ai flashé, comme on dit, sur... une petite voiture qui est en vitrine, puis effectivement, je l'ai reconnue. Fait que là, ma collection a commencé comme ça, justement, là, un flash sur un antiquaire. Mm-hmm. Alors, j'ai pas maladie, entre guillemets, si on veut, là, de la collection, c'est a commencé sur le tard. J'ai pas été un collectionneur de naissance, si on veut. Mm-hmm. Ça fait que c'est par nostalgie. J'ai commencé à racheter des autos que j'avais. Puis là, bon, ben, évidemment, pour gérer tout ça, tu te documentes, tu achètes des livres là-dessus, tu veux savoir quelle valeur ça a, etc., etc., là. Et j'ai l'impression, Rémi Simard, que ce côté-là, justement, d'apprentissage que vous avez eu comme collectionneur, c'est ce qui rend aussi intéressant pour le non-collectionneur autant que le collectionneur, donc ce parcours-là, dans le fond, que vous proposez dans Mes Dinky, où, justement, on fait, nous aussi, cet apprentissage-là, on découvre qu'est-ce qui fait la valeur d'un modèle, comment se documenter versus ce modèle-là, quel suivi on doit faire, on peut faire, et on vous voit creuser aussi tranquillement au fil de rencontres pour vous rendre compte que on vend des pneus, on vend des pièces, on vend... Oui. Ben, c'est ça, je pense que la démarche... Moi, le sujet central, c'est les autos, mais la démarche est bonne pour toutes les collections, finalement. Mm-hmm. Parce que ça commence par une acquisition, puis là, c'est comme je disais, c'est par rapport à la documentation, la recherche, la démarche, qui est bon pour les voitures est bon pour les collectionneurs de Barbie ou de petites figurines de Salada à l'époque qu'on trouvait dans des boîtes là, du thé Salada. Fait que c'est bon pour tout finalement. Le Dinky est un prétexte pour justement un guide pratique du collectionneur. Et qu'est-ce qui vous a amené justement, on parlait de la notion de commande entre guillemets au départ, qu'est-ce qui vous a amené à choisir de vous mettre en scène, parce que c'est pas une habitude dans vos récits, les livres de Rémi Simard, c'est des personnages autres que vous, c'est un peu la première fois que vous tombez dans l'autofiction? Oui et non, c'est que l'autofiction, oui, ça vous avez raison, c'est la première fois que je me mets, puis c'était plus facile pour moi de me mettre en scène puis de raconter mon vécu, là, si on veut, par rapport à la collection. Mm-hmm. Donc, c'était raconter ma démarche et tout en tant que collectionneur. J'aurais eu de la misère à faire ça avec un regard éloigné. Je trouvais ça beaucoup plus le fun que ça soit très personnel. Puis je pense que les gens aussi s'amusent à découvrir le personnage qui est derrière ce collectionneur-là, là, si on veut. Parce qu'on parle pas juste de la collection, il y a aussi le personnage qui est moi avec toutes ses démarches, ses contradictions et tout. Là. C'est sûr, c'est comme une auto... c'est autobiographique, mais aussi, il faut dire, c'est une autofiction. Là. J'en rajoute un peu. Mais je me suis déjà mis en scène dans mes premières BD, dans les BD de Kamikaze... dont le titre était Le Père Noël à une crevaison. Okay. C'était moi qui étais le personnage principal, mais c'était pas, j'étais pas là. J'étais dessiné, mais c'était pas moi et tout là. C'était comme carrément une fiction. Puis les Boris aussi, le petit strip là, publié oui. À la Pastèque, il y a eu un recueil l'intégrale il y a un an ou deux. Ça aussi, c'est vraiment inspiré de ma jeunesse. Avec la famille et tout, là. Oui, à travers un avatar autre que qu'affirmer comme étant vous-même, oui, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Et le fait de préconiser une approche où là, on se dit, ben, c'est ça, je dessine ma propre expérience à travers un œil narratif, mais sans que cet avatar-là, ça soit un reflet, un regard sur moi-même, bon, peut-être avec, pour ceux qui ont vu vos photos, avec un peu moins de capillosité, cela dit. mais oui. Dans le fond, est-ce que ça change un peu l'approche que vous avez au niveau du dessin où on se dit, OK, je tombe dans l'autofiction, on se donne un peu plus de liberté, on relâche un peu la pression? Ou... Vous avez raison. Puis aussi, c'était. Je voulais faire cette démarche-là. C'est-à-dire que tous mes. En tant qu'illustrateur, mes dessins sont très. Calculé. Ça, c'est vraiment très, très placé, très fini. Tandis que là, pour cette BD-là, je voulais quand même la faire dans un court laps de temps. Et tout ce qui est raconté et dessiné assez vite, finalement. Là. Je travaille à l'ordi, mais c'est fait rapidement aussi. Je suis assez agile avec un programme qui s'appelle Illustrator. Il y a un petit côté lousse qu'on appelle que je me donnais. Là, que ça faisait la première fois que je faisais ça vraiment, là. Alors, sauf pour tout ce qui est image des voitures où là c'est plus stiff, c'est un peu plus réaliste là. Oui, mais enfin, ça justement contraste avec la narration puis la figuration si on veut. Exactement, on est plus dans l'inventaire que dans l'histoire quand on tombe dans ces illustrations là et ça nous fait peut-être aussi comprendre, ça nous permet de voir, de saisir la beauté de ces véhicules là. Oui, tout à fait. Puis c'est une de ces raisons là aussi que j'ai demandé. Aux éditeurs de faire un pomelo en quatre couleurs. D'habitude, c'est une ou deux couleurs, cette collection-là. Alors, moi, je leur ai demandé pour que ça soit percutant, puis que ça soit un peu plus genre catalogue, là, que pour les autos, il fallait vraiment que ça soit en couleurs. Oui, puis à la limite aussi, pour que le lecteur puisse saisir qu'est-ce qui vous accroche dans ces jouets-là, dans le fond, la beauté qu'on perçoit dans ça et j'imagine qu'à travers ça aussi voir que vous n'êtes pas insensible justement à l'esthétique des véhicules que vous collectionnez, au contraire. Oui, oui, tout à fait, parce que ces lignes de véhicules-là, à cette époque-là, étaient vraiment très belles. Uh-huh. C'était, il y avait beaucoup de courbes et tout, il y avait le souci du design. Là. C'était un peu plus épuré que des années 50, là, où on connaît la grosse Buick, la Cadillac et tout ça, mais il y avait quand même des belles lignes. Là. C'est un peu plus épuré, mais très belles. Ouais. Et le côté, justement, guide pratique vient plus dans la manière d'organiser le récit où on y va étape 1, étape 2, étape 3. Et à Oui. l'intérieur de ça, donc, on tombe plus dans l'anecdotique, mais cette catégorisation-là par chapitre, s'est imposée rapidement? Assez vite, vu que c'était un livre pratique, en tout bon livre pratique, ça prenait une table de matière. Alors, on pouvait découper justement ces sujets-là le sujet par chapitre. C'était beaucoup plus efficace et simple parce que supposons que je parle des fléaux pour les collectionneurs. Fait que bon, mais il y a deux fléaux, en tout cas pour les collectionneurs de voitures comme moi, il y a un chapitre sur les fléaux. Fléau numéro un, on sait bien que c'est les enfants, et le deux, c'est les pneus. Parce que c'est fait en caoutchouc. Puis le caoutchouc sèche avec le temps. Fait que le caoutchouc s'effrite. Alors donc c'est comment justement soigner les pneus pour pas que justement ça, avec le temps ils sèchent. Non, j'avais pas pensé qu'il y avait des gens aussi, parce qu'on le découvre dans Medinky, qu'il y a des gens qui se spécialisent justement dans la réparation aussi des véhicules, dans la restauration des véhicules, etc. Donc il y a vraiment aussi comme dans tout univers de collection, il y a une communauté là-dedans qui est assez fascinante. Ah, c'est assez drôle parce que c'est comme un milieu, un monde underground. Mm-hmm. Pour ces voitures-là, il y a des vendeurs de pièces qui existent. Il y en a qui font des remoulages. Fait que c'est assez fascinant. Ici, il faut dire qu'en Amérique du Nord, les collections de petites voitures, c'est pas vraiment. Il y en a, mais pas autant qu'en Europe, si on veut, puis même aux États-Unis aussi. Là. Mais en Europe, c'est. C'est comme la folie furieuse. Il y a des magasins spécialisés là-dedans. Quand on va à Londres, justement, j'en parle. Il y a des antiquaires. T'as l'impression que c'est un retour dans le temps, là, comme si t'étais dans les années 50-60. C'est vraiment un monde particulier. Puis quand on gratte autour de ça, justement, on découvre des choses assez aberrantes, surtout chez les collectionneurs. Et en terminant, Rémi Simard, est-ce que le fait d'avoir fait un livre sur votre collection, sur votre démarche, votre parcours aussi, somme toute, comme collectionneur, est-ce que ça a changé votre regard sur sur l'acte de collectionner ou ça l'a fait évoluer? Tout à fait, parce que je m'étais jamais posé la question. J'avais jamais réfléchi à ça. Je le faisais d'emblée sans que ça soit vraiment réfléchi, là. C'est-à-dire que j'ai fait une démarche et tout, là, moi-même, et puis par la suite, à la raconter dans le livre, je me suis dit, ah oui, OK, il y a une réflexion que j'ai fait derrière et tout, puis c'est comme par rapport à ce que j'ai appris, c'est la valeur de la collection. Je me suis jamais attardé à savoir combien ma collection valait, si on veut, là, parce que, bon, ben moi, ce qui est le fun, c'est l'objet, mais à savoir ce qui vaut vraiment, c'était pas si important. Ben, Rémi Simard, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir.